temps que je sorte. Pour ce qui s'est subtil sur mes pas dans la ville, je sais qu'elle est là derrière un angle mort, prête à fondre sur moi tel un oiseau de proie. Mais je n'aime pas ça quand elle est là. Ça y est, je la vois. Voisine, tu me fais peur. Je n'aime pas ton odeur. Je n'aime pas non plus ces nerfs qui tapissent ton jardin. Elle me téléphone. Dommage, je suis affolé. À dîner, comment me défiler? Je vis un enfer, elle me tape sur les nerfs. Je songe à la zigouiller un soir derrière sa haie. Où elle se tient cachée à m'espionner. C'est une calamité. Voisine, tu me fais peur. Je n'aime pas ton odeur. Je n'aime pas non plus les nains qui tapissent ton jardin. Voisine, tu n'auras pas mon cœur. Pas tes rondeurs, je n'aime pas non plus ce chien qui aboie tous les matins. Oh, voisine, voisine, voisine, tu me fais peur. Je sens que je vais faire un malheur. Je t'en supplie, sors d'ici. Oh, ne t'allonge pas sur mon lit. Oh, voisine, voisine. Où es-tu, voisine? Oui, tu es là. Que me veux-tu, voisine? Non, non, ne fais pas ça.